Cent fois tu m'as quitté, cent fois je t'ai supplié, loin de tout amour propre, toujours à bout de souffle. Dans cette vie d'enfer, pas de place pour l'amour, parce que quand tu me fais mal, c'est sûr je suis à terre. Qui croyais en toi, je ne vois que ta haine. Tiens, je préfère m'enfuir, essayer de mourir, oublier ton sourire. Oui, il s'efface peu à peu, un frêle souvenir. J'ai si peur de l'amour. Je ne souhaite que ce jour où tu croiras en moi. Tiens, je préfère m'enfuir, essayer de mourir, oublier ton sourire. Oui, il s'efface peu à peu, un frêle souvenir. J'ai si peur de l'amour. Quand je vois ce sourire, j'oublie que j'ai souffert qu'on l'en au fond de moi pour rien et pour nous deux. Dans cette fumée brouillard, tu brûles mon désespoir, et c'est toi qui de loin je meurs, la vie s'éteint.